Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire ce soir. Alléluia. Nous allons acclamer Jésus ce soir. On acclame bien Jésus. On acclame bien Jésus. On acclame bien Jésus. Qui mérite toute la gloire. Alléluia Jésus. Alléluia. Nous allons garder un moment de silence devant Dieu. Nous allons contempler sa grandeur, bien-aimée. Le meilleur rendez-vous dans la vie, c'est le rendez-vous avec Dieu. La meilleure rencontre qui puisse exister, c'est celle avec Dieu. Lorsque nous rencontrons véritablement Dieu, notre vie change. Notre destinée prend une direction de gloire. Et cette convention est une rencontre avec Dieu. C'est un rendez-vous avec Dieu. J'aimerais que tu contemples Dieu dans ton esprit. Que tu laisses l'Esprit de Dieu toucher ton esprit. Oh Seigneur, merci. Oh, contemplons la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Seulement besoin de toi. Seulement besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele. Wetu mwenye nguvu. Mwenye nguvu Yahweh Baba. Mwenye nguvu ni Baba wa milele Masia. Mwenye nguvu Masia. Que tu chantes, tu réalises la grandeur de Dieu. Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele. Neema yako, fadhili zako kila asubuhi. Tena zanifariji moyo niamkapo nehema yako fadhili zako kila asubuhi. Asubuhi tena zanifariji moyo niamkapo nehema. Tu nous merci Jésus, Jésus. Et nous nous asseyons, asseyons-nous bien aimés dans le Seigneur. Shalom bien aimés dans le Seigneur. Shalom. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu ce soir pour la présence de chacun d'entre nous et beaucoup plus pour la présence de Dieu. Nous croyons que ce rendez-vous, c'est un rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Amen. Avant de continuer, je voudrais accueillir un bien-aimé bien, notre frère Rémi Bisaga. J'aimerais qu'il se tienne debout et saluer l'église. Vous pouvez venir, que l'église puisse vous voir. Est-ce qu'on peut l'accueillir très très bien? Alléluia. Avec lui, nous allons communiquer la parole de Dieu. Avec notre frère, le frère Marcel Pungu. Mais je voudrais particulièrement l'accueillir. Il prie dans notre église, sœur La Source. Que Dieu le bénisse au milieu de nous. Et nous aurons l'occasion d'écouter ce que Dieu a déposé dans son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons d'une saison, une visitation sous un ciel ouvert. Je vais encore demander que vous répétiez avec moi. Une saison, une visitation sous un ciel ouvert. Et je vais lire deux textes avec vous cet après-midi. Ecclésiaste chapitre 3 et Ecclésiaste chapitre 9. Dans Ecclésiaste chapitre 3, voici ce que l'auteur du texte dit. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Et la série continue. Quand nous lisons ce texte, c'est un texte qui montre clairement que la vie n'est pas linéaire. La vie est faite de saisons. La vie est faite des étapes. Maisha imeundwa na vipindi mbalimbali. Et la sagesse dont nous avons besoin de la part de Dieu, na hekima tunayohitaji, c'est d'être capable, ni kuwa na uwezo, de faire ce que je dois faire, ya kufanya kile ambacho napaswa fanya, pendant une saison que Dieu me donne, kwa majira Mungu anayonipa. Parce que une vérité de la vie, ukweli wa maisha, indique que la saison prochaine, unaonesha kwamba majira ijayo, elle est préparée par la saison actuelle, inaandaliwa na majira ya sasa. Si vous ne pouvez pas mieux gérer la saison actuelle, même si vous vous attendez à une saison quelconque demain, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous faites de votre saison aujourd'hui va influencer ce que vous serez demain. Et nous allons dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. C'est le même auteur qui parle, Salomon. Il dit: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, et ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, Salomon est encore en train de mentionner qu'en réalité, la saison joue un rôle important dans la vie d'un homme ou d'une femme. Parce qu'il est en train de dire, parfois, il ne s'agit pas de l'intelligence qui compte. Ce n'est pas forcément la force physique qui compte. Ce n'est pas forcément les stratégies que vous mettez en place. Toutes ces stratégies, votre intelligence, votre capacité physique, peuvent être influencées positivement ou négativement par la saison dans laquelle tu te trouves. unayokuwa ndani. C'est ce qu'il appelle les temps et les circonstances. Zio anaita nyakati na majira. Les événements, dans d'autres versions, pas des événements favorables. Katika Biblia nyingine wanasema matokeo mazuri. Tu peux être mieux intelligent. Unaweza kuwa na akili. Mais les circonstances sont à ta défaveur. Lakini majira haikukubali. Et nous sommes en train de parler. Na tuko naongelea. En tant qu'enfant de Dieu. Kama vile watoto wa Mungu. D'une saison. Majira. D'une visitation kutembelewa sous le ciel ouvert chini ya mbingu iliyofunguliwa une saison qui a la faveur de Dieu. Inamaanisha majira iliyo na kibali ya Mungu. C'est de cela dont nous parlons. Tunaongelea hiyo jambo. Parce que toute saison ne sera pas forcément favorable. Kila majira haitakuwa na kibali kwako. Tout temps et toute circonstance. Kila nyakati na majira. Ont besoin d'être sous la grâce de Dieu. Yahitaji kuwa chini ya neema ya Mungu. Afin d'être bénéfique pour vous. Ili kwamba ikufaidie. Alléluia. Amen. Et hier, nous avons commencé à parler d'un sous-thème. Le Dieu de toutes les saisons. Mungu wa majira zote. Nous avons montré que Dieu, tumeonesha kwamba Mungu, le Dieu que nous servons, Mungu tunayemtumikia, il agit à tout temps. Anafanya kazi kila il a le pouvoir. Ana uwezo. Il a l'autorité. Ana mamlaka. Sur les événements. Juu ya kila sur matokeo. Les circonstances de la vie. Juu ya kila matokeo. Et il ya peut maisha. Les influencer. Na naweza kuyashawishi. Moi, je peux avoir une saison en tant qu'être humain. Mimi kama mwanadamu naweza kuwa na majira je fulani. Peux être limité par les circonstances naweza de la vie. Kuwa na vizuizo juu ya tokeo mais za le maisha. Dieu que nous servons. Lakini Mungu il n'est pas limité par les circonstances de la vie. Alléluia. Amen. Il peut créer les circonstances. Anaweza kuumba matokeo. Il peut modifier les circonstances. Anaweza kubadilisha majira. Autrement, il ne peut pas être intimidé par les circonstances. Inamaanisha aweze akashtuke juu ya majira fulani. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. La fierté que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Furaha tulionao kama vile watoto wa Mungu. Le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Fursa njema tulionao kama vile watoto wa Mungu. C'est que à tout moment de la vie, Dieu peut te faire du bien. Mungu anaweza kukutendea mema. À tout moment de la vie, kwa kila muda wa maisha, Dieu peut modifier ta vie. Mungu anaweza kubadilisha maisha yako. Pour le meilleur. Ili kwamba uishi mema. À tout moment de l'existence, kwa kila fursa, Dieu peut changer les circonstances de ta vie. Anaweza kubadilisha mambo kwa maisha yako. Et nous avons indiqué hier, jana tumeonesha, que la vie est le fait des saisons. Ya kwamba maisha imeundwa na majira mbalimbali. Parce que la vie est faite de saisons. Kwani maisha imeundwa na majira mbalimbali. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter outre mesure. Hatuhitaji kujisumbua zaidi. Nous n'avons pas besoin de nous lamenter outre mesure de la vie actuelle. Hatuhitaji kusema sema na kubabaika juu ya maisha ya leo. Nous ne devons pas nous plaindre de manière exagérée. Tusiofu ya kupitia. Parce que quiconque marche avec le Seigneur. Sababu yoyote anayetembea na Mungu. Un homme et une femme qui marche avec Dieu. Mwanamke ama mwanaume anayetembea na Mungu. Un homme et une femme qui ni mtu anayesonga mbele. Et notre progression na kusonga kwetu mbele. C'est pour le meilleur. Ni kwa kuishi mambo mazuri. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais t'assurer encore ce soir. Ndio maana nakuhakikisha magharibi ya leo. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Haijalishi hali uliondani. Peu importe là où tu es dans la vie aujourd'hui. Haijalishi mali maisha mekuweka leo. Peu importe la situation de ta famille. Haijalishi hali ya jamaa yako. Peu importe la faiblesse dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Haijalishi madhaifu uliondani leo. Dieu que nous servons. Mungu tunayemtumikia. Il est capable de te récupérer là où tu es. Et te donner une identité nouvelle. Et donner à ta vie une saison nouvelle. Ces choses, j'en parle ce soir. J'en parle avec conviction. Parce que je suis convaincu que demain, votre demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il y a des hommes et des femmes que nous voyons dans la salle aujourd'hui. Qui sont des jeunes gens. Des jeunes filles. Vijana peut-être wavulana, méprisable. Wanawazarau. Peut-être vous n'avez pas de forme appréciable. Auna hali ya kuvutia mais leo. En vous loge une personne que Dieu va élever. Ndani mwako pana jitu et qui va révolutionner notre société. Nambaye atabadilisha il est question des temps et des circonstances. Yeye ni Mungu wa nyakati il na est majira. Seulement question de la saison qui arrive. Ni jambo la majira na yokuja tu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin Dio de mana. Ne pas espérer. Vous avez besoin d'espérer. Vous avez besoin d'espérer. Alléluia. Amen. Nous avons montré qu'il existe des saisons qui sont naturelles. Il y a des choses qui se succèdent naturellement. Comme l'Ecclésiaste venait de dire. Kama vile mhubiri amesema. Il y a un temps pour planter. Kuna wakati wa kupanda. Il y a un temps pour récolter. Na wakati wa kuvuna. Il y a un temps pour naître comme il a dit. Kuna wakati wa kuzaliwa. Mais il y a aussi un temps pour mourir. Kuna wakati wa kufa vile vile. Bref, il montre qu'il y a un temps pour toute chose. Anaonesha kwamba kuna wakati juu ya kila kitu. Et il est important que nous comprenions cette réalité d'abord même naturelle. Ni muhimu kwamba tuelewe hii ukweli. Et je veux parler particulièrement à nous qui sommes jeunes dans la salle ce soir. Nitaongelea zaidi vijana jioni ya leo. Il est important de comprendre qu'il y a un temps pour toute chose. Ni fema kuelewa kwamba kuna nyakati juu ya kila kitu. Choses que vous voudriez faire après, mais ça ne sera pas possible. Ceux qui ont essayé d'étudier la vie humaine, ils ont essayé de catégoriser la vie humaine à trois phases essentielles. Ils ont dit que la première phase de la vie, c'est comme une phase d'apprentissage. Nous naissons comme être humain, nous grandissons, nous commençons à avoir des relations avec les personnes, nous allons à l'école. Bref, c'est toute une période d'apprentissage. C'est comme même une période de découverte. C'est un moment où tu découvres qui tu es. Et la deuxième phase que les gens ont identifiée, c'est la phase de production. C'est la phase où tu offres ce qui est à toi. C'est comme une phase de maturation de ce qui était enfant à toi. Et la troisième phase qu'ils ont identifiée, c'est comme la phase de repos où tu peux jouir de ce que tu as fait, où tu peux jouir du travail que tu as réalisé, où tu peux jouir de l'apprentissage des connaissances que tu as acquises avant. Et vous allez vous rendre compte, ici je parle des questions naturelles, vous n'avez même pas besoin de prier le Saint-Esprit, c'est tout à fait naturel, vous grandissez. Et vous allez vous rendre compte qu'une étape qui vient, le succès dans l'étape qui vient, ou la réussite dans la saison qui va arriver, dépend de comment tu as géré la saison qui a précédé. Et la première saison, elle est située entre 0 et 30 ans, généralement. Donc, ceux qui n'ont pas encore 30 ans, vous pouvez déjà vous retrouver que c'est la phase d'apprentissage. Donc, vous êtes dans la saison où vous accumulez le maximum de connaissances pour être utile à la saison suivante. Et quand, ça dépend maintenant des années, mais ça, ce sont des statistiques qui ont été faites. Et de 30 à 50 ans, ou un peu plus, c'est une autre saison de la vie où vous devez travailler. Vous devez produire. C'est comme la saison de production. C'est la saison où vous révélez ce qui est en vous. C'est la saison où vous devenez utile à la génération. Et après, vous arrivez dans la phase de repos, 50 et au-delà. Kwa miaka ya pumziko, miaka makumi tano na kuendelea. Alléluia. Amen. Mais les phases naturelles ou les saisons naturelles, majira ya kawaida, ont des difficultés, yanakuwa na shida, ont des soucis. C'est comme par exemple, nous pouvons dire il y a un temps pour semer, un temps pour aussi récolter. Je peux prendre ma semence et selon le calendrier agricole ou toutes les techniques agricoles, on va dire que c'est maintenant qu'il faut semer. Et de bonne foi, je prends ma semence et je vais déposer ma semence à terre. Mais pour que cette semence puisse réellement germer, il y a des circonstances qui entourent la croissance. Si je semais qu'il n'y a pas de pluie, et si je semais que le sol est détruit, je vais semer au moment opportun, mais je ne vais rien récolter. C'est à ce moment-là que nous avons besoin d'une autre saison qui vient s'imposer dans la saison naturelle. majira ingine ijayo kuinuka juu ya majira yale. Moi je peux déposer ma semence dans la terre. Naweza panda mbegu yangu ndani ya udongo. Mais j'ai besoin de celui qui contrôle la pluie et même toutes les circonstances. Nahitaji msaada ya yule anayeongoza mvua na mambo yote. Alléluia. Amen. Parce que le temps et les circonstances, muda na majira, ou les circonstances du temps présent, ama majira ya nyakati hii, peuvent même annuler tes efforts. Inaweza kuzofusha yote unayofanya kama kazi. C'est pour cela que nous parlons d'une saison sous un ciel ouvert. Ndio maana tunaongelea majira iliyo chini ya mbingu. Tu peux avoir bien étudié. Unaweza kuwa umesoma. Entre 0 et 30 ans. Kwa miaka 0 hadi 30. Les parents ont payé les frais scolaires. Wazazi wamekulipia masomo. Ils ont payé les frais académiques. Wamelipa masomo. Tu as fini les études. Umemaliza masomo yote. Tu as utilisé l'internet comme tu voulais. Unaweza kutumia mitandao kama jinsi unataka. Pour augmenter ta connaissance. Ili kwamba uongeze ujuzi wako. Et lorsque tu commences à chercher de l'emploi. Unapoanza kutafuta kazi. Ou lorsque tu veux entrer dans la saison où tu dois être productif. Unapotamani ingia katika majira ya kuzaa matunda. Où réellement tu dois être l'homme ou la femme que Dieu a prévu que majira tu sois. Majira ya kuwa mtu ambaye et tu as l'impression que tout est bloqué. Unakuta kwamba mambo yote yanafungwa. Tu as contacté des personnes. Unaongea na watu. Tu as déposé des CV à gauche à droite. Umeandika kulomba kazi. Ça ne marche pas. Mambo hayaendeki. C'est à ce moment-là. Ni kwa muda huo. Que tu as besoin d'une visitation dans une saison naturelle. Unahitaji kutembelewa ndani ya hiyo muda wa kikawaida. Et je prie que Dieu t'apporte sa visitation dans la saison où tu es. Naomba Mungu akuletee kutembelewa kwake. Alléluia. Amen. Parce que c'est la visitation de Dieu. Ni kutembelewa na Mungu. Qui vient changer les choses. Dieu inakuja badilisha mambo. C'est la visitation divine. Ni kutembelewa na Mungu. Qui vient même donner de la valeur à une saison naturelle. Dieu inakuja patia. Lorsque vous vivez par nature, vous vivez naturellement, il y a des choses auxquelles vous n'accéderez pas, bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que l'Ecclésiaste dit, il dit attention, angalisho. C'est vrai, il y a un temps pour semer. Ni kweli kuna muda wa kupanda. Il y a un temps pour planter. Kuna muda wa kupanda. Il y a un temps pour récolter. Kuna muda wa kuvuna. Il y a un temps pour ceci et pour cela. Kuna muda wa hii na hii. Mais il dit, soyez attentifs. Anasema muwe wangalifu. Le succès n'appartient pas forcément à ceux qui ont de l'intelligence. Ushindi si kwa wale walio na akili. Parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle les temps et les circonstances. Sababu kuna mtu anaongoza nyakati na majira. Alléluia. Amen. Alléluia. Même les gens parfois qui peuvent vous impressionner, ils disent, moi j'ai réussi dans la vie. Kuna watu wanaweza kusema mimi nimefaulu katika maisha. Ils ne vous diront pas forcément quelles ont été les circonstances qui ont facilité les choses. Hawatawaambia ni majira gani iliwarahisisha mambo. Un jour, j'étais dans une conférence. Siku moja nilikuwa ndani ya kongamano. Je me retrouve dans cette cérémonie. Nikajikuta katika hiyo mkutano. Je crois que ça fait exactement 8 ans environ, vers 2012. Inakuwa miaka 8. Et quelqu'un, il s'approche. Mtu mmoja akaja. Il dit, jeune homme. Akasema kijana. À l'époque, j'avais autour de 32 ans. Nilikuwa na miaka 32. Il dit, j'ai suivi ton exposé là où nous étions avant, il y a une semaine. Ananiambia, nilifata mambo liongea. Kuna wiki moja. Je suis prêt à te donner de l'emploi. Niko tayari kukupatia kazi. Et si tu veux, tu me donnes ton CV. Na ukihitaji, nipatie kikartasi chako cha kulomba kazi. Et je lui pose la question comme si je m'amusais. Nikamuliza kama vile mwenye kucheka. Il dit, je suis quand même bien positionné là où je suis. Nikamwambia nina kazi nzuri mahali nilipo. Et dit, si tu veux, moi je vais doubler ce que tu gagnes aujourd'hui. Akaniambia kama unataka na kupatia mshahara maradufu kuliko ile unayopata. Un moment, je me disais, est-ce qu'il blague ou il plaise? Il dit vrai ou dit faux? Muda fulani nikajiuliza, huyu mtu kuna cheza ni mizaa ama? Bien aimé, cet homme, je ne le connaissais pas. Mpendwa, huyu mtu sikukuwa namjua. Il n'est pas de ma tribu. Aiko wa kabila langu. En réalité, il n'est même pas congolais, en fait. Naiko hata mkongomani. Mais Dieu est en train de parler à cet homme. Lakini Mungu alikuwa anaongea na huyo mtu. Plus tard, lorsque tu me verras dans un poste quelconque, baadaye nilipokuwa na kazi, je peux te dire que je suis le plus intelligent. Nakwambia kwamba naweza kukwambia kwamba nilikuwa na akili zaidi. Je peux te dire que nous sommes les plus chanceux. Naweza kukwambia kwamba nilikuwa na bahati zaidi. Mais la chose que je ne vous dirai pas. Lakini kitu moja sitawaambia. En réalité, j'étais assis quelque part. Ukweli ni kwamba nilikaa fasi. Mais le Seigneur a envoyé son travail là où j'étais. Lakini Mungu alileta kazi mali nilikuwa. Ça s'appelle la visitation de Dieu. Hii ni kutembelewa na Mungu. Qui vient changer votre vie. Inayokuja kubadili maisha la yako. La main de Dieu qui vient manipuler les circonstances. Mkono wa Mungu unakuja kubadilisha majira. La visitation de Dieu qui vient parler même à des personnes à votre faveur. Mungu anakuja kuongea na watu wawe baraka kwako. Alléluia. Amen. Quand la visitation de Dieu arrive, Mungu anapokutembelea, quand Dieu descend dans votre vie, Mungu anaposhuka maishani mwako, il peut reconfigurer même votre environnement. Anaweza kutengeneza vizuri. Et ma prière ce soir est que Dieu descende et qu'il reconfigure l'environnement de votre vie. Maombi yangu kwamba Mungu ashuke na tengeneze mazingira ya maisha yako. Alléluia. Amen. Il y a cette femme qui a chanté dans notre pays. Kuna mama moja ameimba katika nchi yetu. Je ne connais pas bien le nom, mais il disait quand Dieu descend, l'atmosphère change. Anasema Mungu anaposhuka hewa inabadilika. Alléluia. Quand Dieu descend dans ta vie, Mungu anaposhuka maishani mwako. Quand Dieu visite ta vie, Mungu anapotembelea maisha yako. L'atmosphère de ta vie change. Hewa maishani mwako inabadilika. En fait, lorsque la personne dit l'atmosphère, mtu anaposema hewa, il n'est pas en train de dire l'air que nous respirons. Aongelee hewa ambayo tunapumua. Alléluia. Amen. Il n'est pas en train de parler de l'air de l'oxygène. Aongelee hewa ya kawaida. Il est en train de parler des personnes qui sont dans votre environnement. Anaongelea watu walio kando yako. Il est en train de parler même des choses et des situations qui sont dans votre environnement. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que Dieu descende dans ta vie pendant cette semaine. Laisse que Dieu vienne te rencontrer là où tu es. Parce que lorsque Dieu vient s'interposer dans une saison naturelle, alors tu peux tirer le maximum de la saison naturelle dans laquelle tu es. Alléluia. Amen. La visitation de Dieu, elle vient créer une saison dans une autre saison. La visitation de Dieu, elle vient rendre souple tes efforts. La visitation de Dieu, elle vient valoriser tes efforts et tes stratégies. Et ma prière cette semaine est que Dieu te visite dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Et je vois des hommes et des femmes qui sont en train d'être visités par Dieu et qui vont revenir dans la maison de l'Éternel avec du témoignage. Je vois des hommes et des femmes qui sont en train d'être visités par Dieu et dont leur vie prend une autre tournure à partir de cette convention. Et les années plus tard, tu diras de la part de l'Éternel, dans cette convention, Dieu m'a visité. Reçois la visitation de Dieu et que ta vie prenne une autre direction dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Utendavyo vinashangaza Neema yako ni ya pekee. Umwaminifu Bwana kwa ahadi zako. Père, je prie que tu touches ton peuple. Bwana gusa taifa lako. Utendavyo vinashangaza. Neema yako ni ya pekee. Umwaminifu Bwana kwa ahadi zako. Umepigana vita. Umepigana vita vingi, Yesu. Tu seras victorieux au nom de Jésus. Utakuwa mshindi kwa jina la Yesu. Sijasikia umeshinda hata moja. Umepigana. Umepigana vita vingi, Yesu. Viens combattre pour ton peuple, Seigneur. Bwana kuja pigania taifa lako hata moja. Mtakatifu. Mtakatifu Baba, mtakatifu, hey. Yahweh, watenda mema, Yahweh, utendavyo vinashangaza. Nilikusikia, sasa nakuona. When Yahweh, pendant que nous serons en train d'enseigner, Je crois que la main de l'Éternel est en train de visiter chacun. Chacun selon son besoin. Parce que ça, c'est une rencontre de destinée. Je rencontrais Dieu dans ma vie. Et ma vie n'est plus restée la même. Si je vous raconte mes origines, vous allez dire seulement Dieu peut faire ce qu'il a fait. La visitation divine déclenche un processus nouveau. Quand Dieu visite un homme, une femme, cette visitation déclenche une saison nouvelle. Même si les yeux physiques ne peuvent pas voir ça, même si les yeux physiques ne voient pas ça, vous n'avez pas forcément besoin de voir physiquement, mais vous avez besoin de saisir la visitation dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme cela que lorsque Dieu devrait libérer Israël, la visitation a commencé quelque part dans un buisson ardent. Déjà une saison de libération commençait pour Israël. Et j'ai la ferme conviction ce soir qu'il y a une saison nouvelle qui commence pour quelqu'un dans cette conversion. J'ai la ferme conviction dans mon esprit et je suis conscient que je vivrai ce témoignage. Alléluia. Amen. Comment Dieu peut vous visiter? Dieu peut vous visiter en facilitant une rencontre dans votre vie. Que Dieu te donne une rencontre dans ta vie qui va propulser ta vie vers une autre destination. Il y a des connexions que Dieu facilite dans la vie, bien-aimé. Il y a des personnes que Dieu peut amener dans ta vie qui peuvent te donner une autre saison, qui peuvent te donner une saison nouvelle dans ta vie. Un homme de Dieu peut prier pour toi et il peut déclarer des choses sur toi et la vie nouvelle commence par là, bien-aimé. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide à rencontrer ces personnes, connexion divine, réellement qui révolutionnent ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où je suis venu à genoux devant notre papa. Il a prié pour moi à plusieurs occasions. Mais il y a des occasions où je sens que ça, c'est une autre chose. Peut-être lui ne saura pas forcément. Mais parce que je suis venu avec un cœur qui cherchait Dieu, je sens qu'il y a des choses que Dieu déposait dans ma vie. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide à rencontrer ces hommes et ces femmes qui vont révolutionner ta vie au plan spirituel, qui vont révolutionner ta vie au plan économique, qui vont revaloriser ta vie parce qu'ils portent la provision de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Dieu peut te visiter par une révélation. Dieu peut donner une connaissance particulière à ta vie. Et je prie que pendant cette semaine et toutes les fois que tu prends la parole de Dieu pour la méditer, que Dieu te révèle ce qui est à toi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne une parole qui change ta vie. Alléluia. Amen. Vous savez que Jacob est devenu très riche à son époque. Yakobo alikuwa tajiri zaidi kwa muda wake. Il a travaillé pour son oncle qu'on appelait Laban. Alitumikia bamu kwa yake Laban. Pendant beaucoup d'années. Kwa miaka nyingi. Et le jour où il devrait se séparer, siku ilibidi atoke, il réclamait un salaire. Alikuwa akiomba mshahara. Et le monsieur dit, qu'est-ce que je peux te payer? Uyo baba kamwambia nitakulipa nini? Le monsieur dit, ne me paye rien. Uyo ndugu kamwambia usinilipe kitu. Mais après je te dirai quel est mon salaire. Lakini nitakwambia baadaye. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 30, ukisoma Mwanzo 13, allez relire encore ce passage. Usome vizuri hiyo usome. Le monsieur il a multiplié le bétail de son oncle. Uyu mtu alizidisha nyama za bamu kwa wake. Par une stratégie que si nous le regardons par la vue humaine, kupitia mbinu ambao tunapoona kwa kinadamu, c'est comme une sorcellerie en fait. Ni kama vile uchawi. La Bible déclare. Biblia inasema. Je ne sais pas d'où est venue son idée. Sijui hiyo wazo alitosha wapi. Il prenait un morceau de bois comme ça. Alichukua kipande ya mwamba. Qui est une qualité particulière, une espèce d'arbre. Mwanzi. Et il mettait ça là où le bétail venait s'abreuver. Nalikuwa niweka mali ambapo nyama ilibidi zikunywe maji. Et la Bible déclare que chaque fois que le bétail fixait le regard sur le petit bois, na kila mara wakati hiyo nyama ilikuwa naona hiyo mwanzi, même la coloration de la peau du bétail changeait. Hata rangi ya ngozi ya nyama ilikuwa ikibadilika. En tout cas, ce que je sais, Yonajua. Je sais que Jacob, c'est un homme qui craignait Dieu. Yakobo ni mtu aliyekuwa na mwogopa Mungu. Les choses qu'il pratiquait là, mambo aliyokuwa anafanya, il doit avoir reçu une révélation quelque part. Anapasha kuwa alipata ufunuo. Alléluia. Amen. Et cette révélation a affecté même sa richesse. Na ufunuo huo uligusa, ulishawishi utajiri wake. Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, je prie que Dieu te donne une révélation spécifique. Naomba Mungu akupe ufunuo wa upekee. Même si c'est sur le plan spirituel, ambao hata kwa ngazi wa kiroho, au plan économique, kwa ngazi qui remonte ta vie à une autre dimension. Une révélation particulière peut déclencher une saison nouvelle dans ta vie. Alléluia. Amen. Une saison majira qui vient par une visitation de Dieu. Unaokuja kupitia kutembelewa na Mungu. Visitation de Dieu peut aussi arriver par une intervention miraculeuse de Dieu. Mungu anaweza kututembelea kwa muujiza vile vile. Dieu peut intervenir à ta faveur par un miracle. Mungu anaweza kutenda muujiza ili kwamba kutembelee. La visitation de Dieu peut arriver dans ta vie par un miracle. Mungu anaweza kukutembelea kwa njia ya miujiza. Tu sens que Dieu a fait quelque chose. Unasikia kwamba Mungu amefanya jambo fulani. Israël était esclave en Égypte. Israeli walikuwa watumwa kwenye Misri. Ils étaient réellement esclaves dans la servitude. Hakika walikuwa ndani ya utumwa. Et n'eût été l'intervention de Dieu, isingelikuwa msaada wa Mungu, ce peuple ne devrait pas quitter la servitude. Hawa watu hawangelitokaka ndani ya utumwa. Et dans la vie aujourd'hui, na maisha ni leo, il y a des personnes qui sont bloquées. Kuna watu wamefungwa. Il y a des personnes qui sont comme esclaves. Kuna watu walio kama vile utumwani. Il y a des vies qui sont comme étouffées. Kuna maisha zimefunikwa. Malgré vos efforts, haijalishi malgré votre intelligence, haijalishi akili, tu as l'impression comme si tu es un serviteur ou un esclave. Ni kama jinsi unakuwa mtumwa. Je prie que pendant cette convention, bien-aimé dans le Seigneur, naomba katika kongamano hili, que la même puissance qui a libéré Israël, nguvu iliyokomboa Israeli, puisse être envoyée en ces lieux, ishuke mali hapa, pour libérer les captifs, na ifungue wote waliofungwa. Alléluia. Amen. L'intervention de Dieu peut apporter la guérison. Musada wa Mungu naleta uponyaji. Il y a des personnes qui sont bloquées dans leur vie parce que la santé est complètement détruite. Kuna watu wamefungwa maishani kwa sababu afya yao inakuwa mbaya. Et quand la visitation divine vient par la guérison, wakati Mungu anashuka na nguvu ya uponyaji, tu entres dans une autre saison de la vie. Inakuingiza katika majira mapya ya maisha. La maladie affecte ta vie. Magonjwa inazuiza maisha yako kuendelea. La maladie affaiblit ta vie. Magonjwa inazuiza maisha yako kusonga mbele. La maladie peut faire en sorte que tu es même rejeté. Magonjwa inafanya kwamba utupiliwe. La maladie peut annuler même ta valeur. Magonjwa inafanya kwamba samani yako ipotee. Dieu n'est pas glorifié lorsque tu n'es pas digne, lorsque tu n'es pas honoré. Na Mungu atukuzwe wakati wewe unaaibika. Et nous voyons dans la parole de Dieu, katika Biblia, des aveugles lorsqu'ils étaient guéris, c'était une nouvelle saison qui commençait. Vipofu walipopona ilikuwa majira mapya maisha yao. Un paralytique comme Bartimée lorsqu'il était guéri, il était dans une autre saison. Viwete walipotembea ilikuwa majira mapya. Je ne sais pas quelle est la maladie qui affecte ta vie dans le secret. Sijue maisha gani, magonjwa gani inashawishi maisha yako. Je ne sais pas quelle est la malformation qui te ronge dans le cœur malgré ta jeunesse et ta beauté extérieure. Sijue ulemavu gani unasumbua moyo wako, haijalishi urembo wako. Je prie que notre Dieu vienne par son intervention miraculeuse. Naomba Mungu aje kwa kimiujiza. Pour toucher quiconque est malade à la salle ce soir. Aguse wote walio wagonjwa katika mkutano huu. Si vous avez un souci de santé, levez votre main. Kama unakuwa mgonjwa, nyosha mkono wako. Parce que nous sommes dans la saison de guérison. Maana tuko kwa muda wa uponyaji. Dans le nom puissant de Jésus. Kwa uweza wa jina la Yesu. Mon Dieu est mon roi. Mungu na mfalme wangu. Je prie que la puissance de guérison vienne. Natangaza nguvu za uponyaji. La puissance de guérison. Nguvu za uponyaji. Pour venir recréer les cellules qui ont été détruites. Uje kuumba maumbile yote iliyobomoka. Quelle que soit la malformation, oh Dieu. Haijalishi magonjwa. Quelle que soit l'infirmité, mon Dieu. Haijalishi ulemavu. Tu m'as dit que tu vas guérir ton peuple. Umeniambia utapona watu wako. Mon Dieu, ce soir. Jioni ya leo, Bwana. Je prie que tu touches chacun. Naomba uguse kila mtu. Dans le nom puissant de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. La Bible déclare. Biblia inasema. Par tes meurtrissures. Kupitia vidonda vyako. Nous avons été guéris. Tumepona. Je déclare la guérison ce soir, dans le nom puissant de Jésus, cet homme, cette femme, il va cesser d'être victime, esclave des comprimés. Mon Dieu, il va cesser d'être victime de perfusion. Mon Dieu, que tu recrées des cellules nouveaux. Dans le nom puissant de Jésus, interviens miraculeusement ce soir. Interviens, mon Dieu, et que des témoignages à la gloire de ton nom soient donnés. Et que par ta guérison, mon Dieu, une saison nouvelle soit inaugurée. Afin que l'aveugle voie, Seigneur, que le paralytique puisse marcher au Dieu. Que celui qui a des soucis, des conceptions conçoive. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu peut intervenir dans ta vie par la délivrance. Une saison nouvelle peut commencer lorsque Dieu te donne la délivrance. Il y a des saisons qui n'arrivent pas. Il y a des progrès qui n'arrivent pas. Parce que vous êtes sous possession. La vie est comme contrôlée. Et il est temps que les enfants de Dieu soient libérés de toute forme de possession et de toute forme de captivité. Et il y a des vies qui sont comme manipulées. Bien aimé, la possession démoniaque, c'est une réalité dans la vie. Mais nous avons celui qui a l'autorité sur la possession. Nous avons celui qui a l'autorité sur l'ensemble des esprits. Nous avons celui qui peut briser les limites de la vie. Quand la saison arrive, la véritable saison sous un ciel ouvert, elle brise toute forme de limites dans votre vie. Et enfin, la visitation de Dieu qui vous introduit dans une nouvelle saison, elle peut arriver par un revêtement surnaturel que Dieu te donne pour accomplir une tâche spécifique. Dieu décide de t'équiper, de te donner de l'autorité parce qu'il y a une mission que tu dois accomplir. Et lorsque le revêtement spirituel arrive, lorsque l'équipement arrive, le peureux peut se tenir debout. Celui qui est peureux, il peut se tenir debout. Nous savons l'histoire de Pierre. Cet homme qui avait du mal à discuter entre trois personnes. Mais parce qu'il était un homme loin pour le Seigneur. Parce qu'il était quelqu'un qui devrait porter l'évangile. Il avait besoin du revêtement de l'esprit. Et lorsqu'il a été revêtu de l'esprit, une saison nouvelle a commencé. Nous avons assisté à la pêche miraculeuse. Cet homme qui pouvait parler. Et des milliers d'hommes et de femmes pouvaient écouter. Et pouvaient respecter. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes dans cette salle qui ont des grandes destinées, qui ont besoin d'être couvertes par un revêtement spirituel. Et lorsque le revêtement spirituel sera là, il y a même des portes qui vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Il y a des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Parce que parfois, c'est ce que vous portez en vous qui ouvre des portes. Alléluia. Amen. Vous savez un peu avec la technologie actuelle, je pense que j'ai donné cet exemple avant. Pamoja na teknolojia ya sasa, nilipana mfano hii mbele. Il y a un temps pour ouvrir une porte, vous avez une clé, n'est-ce pas? Muda fulani ili kwamba ufungue mlango ilibidi uwe na la clé. Uwe na funguo. Et lorsque tu as la clé, tu arrives, tu ouvres la porte. Unapokuwa na funguo unakuja na kufungua mlango. Et tu peux donner cette clé à quelqu'un d'autre, tu peux ouvrir la même porte. Unaweza kupatia hiyo funguo mtu mwingine na tafungua. Et la technologie a évolué. Teknolojia iliendelea. Ils ont créé des petites cartes électroniques. Wakaumba makadi. C'est toujours aussi une forme de clé. Hiyo kadi ni kama vile funguo. Cette fois-ci, tu n'as pas beaucoup d'effort. Tu viens, tu peux même le mentionner juste devant et la porte s'ouvre. Pamoja na hiyo kadi, hautafungua hivi. Utaitia tu pembeni na mlango unajifungua. Mais ils ont encore évolué. Teknolojia ikaendelea. Il y a des portes où tu arrives. Kuna milango unapofika. Tu n'as ni besoin de clé. Hauhitaji funguo. Tu n'as ni besoin de papier. Hauhitaji kadi. Tu te présentes et la porte s'ouvre d'elle-même. Unakuja inapokusikia inajifungua. Je prie que tu arrives à un niveau. Naomba ufikie ngazi ambayo. Où ce que Dieu place en toi. Kile ambacho Mungu anaweka ndani yako. Ouvre des portes devant toi. Kifungue milango mbele zako. Tu viens, tu te présentes. Unapokuja, ce que tu portes en toi, unachobeba ndani mwako, c'est ce qui ouvre les portes devant toi. Choki nafungua milango mbele zako. Reçois cette grâce de la part de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Quand ta saison arrive, muda wako unapokuja, ce que tu portes en toi, kile unabeba ndani mwako, ouvre les portes devant toi. Kinafungua milango. Quand ta saison arrive, muda wako unapofika, la mise en place se met en place pour toi. Mambo yote inajiandaa yenyewe. Hallelujah. Amen. Seigneur, fais-nous grâce. Bwana tujalie neema. Le temps est arrivé. Et je vois des hommes et des femmes qui reçoivent cette grâce. Et qui entrent à une autre dimension. Jeune ce soir, mais demain vous serez respecté. Parce que quand Dieu vous fait entrer dans votre saison, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes devant vous. Alléluia. Amen. Le revêtement spirituel. Alléluia. Amen. Est-ce comme cela que pouvaient dire des apôtres? Des dieux sous formes humaines nous sont apparus. Wanasema wa Mungu kwa hali ya kimtu wamekuja miongoni mwetu. Frères et sœurs, cette semaine elle est particulière. Wiki hii ni ya upekee. Je crois fermement qu'il y a des choses que Dieu va faire. Naamini kuna vitu Mungu atatenda. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de croire dans votre esprit. Wahitaji kuamini moyoni mwako. Que votre vie elle n'est pas une vie par hasard. Ya kwamba maisha yako si ya kubahatisha. Les saisons qui viennent majira zinazokuja sont contrôlées par Dieu. Zinaongozwa na Mungu mwenyewe. C'est comme cela que David pouvait dire. Ndivyo Daudi angelisema. Il a dit mes destinées sont entre tes mains. Hatima zangu ni mikononi mwako. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ensemble ce soir mes destinées sont entre tes mains? Sema hatima zangu ni mikononi mwako. On va le répéter encore avec vous. Mes destinées sont entre tes mains. Sema kwa sauti hatima zangu ni mikononi mwako. On le répète encore avec vous. Mes destinées sont entre tes mains. Sema na sauti hatima zangu ni mikononi mwako Mungu. Psaume 31, le verset 15 et 16. Mais quand vous lisez tout ce passage, David fait face à des défis énormes. Il raconte de l'adversité. Il raconte de l'opposition. Il raconte des défis réels. Mais à un moment donné, il dit, Seigneur, ne permets pas que je sois dans la honte. Que mes ennemis se glorifient de moi. Malgré tout, Seigneur, j'ai confiance en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, mon Dieu, j'ai confiance à toi. Peu importe ce que je vis maintenant, peu importe là où je suis maintenant, j'ai confiance à toi. Parce que tu es le Dieu de toutes les saisons. Parce que tu contrôles les temps et les circonstances. Quand tu le veux, tu peux le changer à ma faveur. Kwa c'est comme ça yango. Qu'il conclut, dit mes destinées sont entre tes mains. Bien aimé, ta vie n'est pas entre les mains de personne. Ta vie est entre les mains de Dieu. Maisha yako si tu as donné Mungu. Ta vie à Jésus-Christ, hein, Yesu il maisha a yako. Ta vie entre ses mains yako et tu as droit d'espérer. Na unabudi la kuamini na kutumaini. Alléluia. Amen. Tu as droit d'espérer. Unabudi la kutumaini. Alléluia. Amen. Mes destinées, Seigneur, hatima zangu Bwana, sont entre tes mains. Ziko mikononi mwako. Chaque fois que je regarde même les hauts et les bas de ma vie, kila mara napoona muda mzuri na ngumu ya maisha yangu, je prends seulement ce passage avec David. Nachukua ka verse hii na Daudi. Je dis, Seigneur, tu n'as pas abandonné David. Nasemaka Bwana hukumwachilia Daudi. Mes destinées sont entre tes mains. Hatima zangu ni mikononi mwako. Alléluia. Amen. Je vais conclure ce soir namalizisha jioni ya leo par cinq questions essentielles nikipana ulizo tano za muhimu qui affectent les saisons de la vie. Zinazoshawishi majira ya maisha. Cinq questions de la vie. Swali tano za maisha. Que vous rencontrerez sur votre chemin. Ambazo mtakuta kwenye njia. En particulier dans la marche avec Dieu. Upekee mnapotembea na Mungu. Que vous le veuillez ou pas. Upende usipopenda. Dieu vous le posera. Mungu atakuuliza hiyo. Soit au travers de sa parole. Kupitia neno lake. Soit au travers des prédications. Ama kupitia mahubiri. Oui, vous le posera vous-même. Ama atakuswali hiyo mwenyewe. Si vous êtes sincère avec lui. Kama uko mwaminifu na yeye. La première question. Swali la kwanza. Nous allons la trouver dans Genèse chapitre 3 le verset 9. Ni katika Mwanzo 3:9. Dieu pose la question à Adam et Ève. Mungu anamswali Adam na Hawa. Où es-tu? Uko wapi? Je parlais de cette question hier. Jana C'est une question essentielle pour la vie. Nous nous attendons à une saison nouvelle. Nous nous attendons à la visitation de Dieu. Jeune fille, jeune garçon, où es-tu? Papa et maman, Baba, mama, où sommes-nous? Si Dieu doit te visiter, il y a un lieu où il doit te trouver. Alléluia. Amen. Si Dieu doit te rencontrer, il y a un lieu où il doit te rencontrer. Pour certains, Dieu dira que c'est dans tel endroit géographique. Pour d'autres, c'est une localisation ministérielle. C'est par rapport à ton appel. Où es-tu, bien-aimé? Frères et sœurs, là où tu seras demain, dépend de là où tu es aujourd'hui. Est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu attend que je fasse? Beaucoup de gens, nous nous attendons à Dieu, mais nous ne sommes pas sensibles à ce qu'il veut que nous fassions. Notre papa nous a toujours donné un témoignage. Il avait la conviction dans son cœur que Dieu le voulait dans le ministère. Mais un jour, il voulait fuir le ministère. Et il voulait aller faire le business. Mais il voulait faire les affaires toujours pour soutenir la mission. Mais le Seigneur, il lui a posé la question, où es-tu? Et il a bloqué tout ce qu'il voulait faire comme affaire. Parce que la visitation de Dieu, elle vous raconte là où il veut que vous soyez. Et cette question, elle est posée à toi et à moi ce soir. Où es-tu, mon frère et ma soeur? Et pour nous, les jeunes, par exemple, dans nos téléphones, où sommes-nous? Dans quoi sommes-nous réellement? La Bible à l'église et toute forme de choses qui n'honorent pas Dieu dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, na mambo yote ambayo heshimu Mungu ndani ya simu ndani ya kompyuta et qui nous éloigne de Dieu. Hiyo mambo inatutenga tena Mungu. Si tu veux rencontrer Dieu sur ton chemin, kama unahitaji kukutana na Mungu njiani mwako, apprends à être là où tu dois être. Jifunze kuwa mali ambapo inabidi uwe. Est-ce que ce que je fais, je suis dans le plan de Dieu? Hiyo nafanya je ni katika mpango wa Mungu? Est-ce que je suis dans autre chose que le plan de Dieu? Je niko ndani ya mambo mengine sio kwa mpango wa Mungu? Bien-aimé dans le Seigneur, mupendwa katika Bwana, il y a des personnes qui attendent clairement. Kuna watu wanachunga wazi wazi. Il y a des gens qui attendent clairement, qui écoutent clairement. Kuna watu wanasikia akika. Dieu te dit, voici ce que je veux que tu fasses. Mungu anakuambia fanya iki. Et toi, tu fais sourd oreille. Na wewe unafa kiburi. Tu refuses. Unakata. Même si nous parlons et nous crions saison de gloire ici, hata kama tunaongea juu ya muda wa utukufu, il est possible que cette saison n'arrivera pas. Yawezekana kwako hiyo mambo haitafika. La deuxième question que tu rencontreras sur le chemin, swali ya pili utakuta njiani, c'est la question que Dieu a posée à Moïse. Ni swali Mungu amempatia Musa. Exode chapitre 4, le verset 2 et 3. Kutoka ine. Exode chapitre 4, le verset 2 et 3. Kutoka ine mbili tatu. Moïse, c'est cet homme que Dieu veut utiliser. Musa ni mtu ambaye Mungu anatamani kutumia. Il vient de passer 40 ans. Amefanya miaka 40. Là où il était en fuite. Ndani ya makimbizi. Et le Seigneur veut inaugurer une nouvelle saison avec cet homme. Na Mungu anatamani kuanza mambo mapya na yeye. Dieu veut faire quelque chose de particulier avec Moïse. Mungu anatamani kufanya kitu cha upekee na Musa. Et Dieu pose la question à Moïse. Na Mungu anamswali Musa. Qu'as-tu entre tes mains? Una nini mkononi? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Una nini mkononi mwako? Vous rencontrerez cette question sur votre chemin. Hiyo swali utaikuta kila siku. Qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Una nini mkononi mwako? La plupart des choses que Dieu fait dans notre vie, mambo Mungu anayofanya maishani mwetu, Dieu vient récupérer ce qui est entre nos mains et il va l'amplifier. Beaucoup de choses que nous cherchons sont déjà cachées en nous. Nous avons simplement besoin de les présenter à Dieu. Pour le Seigneur, avec ce que j'ai, amène-moi dans une autre saison. Alléluia. Amen. Une saison nouvelle. Majira mapya. La visitation de Dieu, elle vient reposer sur ce que tu as. inatokana na ile ulionayo mikononi. Vous savez, même parfois nous le disons, la Bible déclare, il bénit le travail de nos mains. Biblia nasema Mungu anabariki kazi ya mikono yetu. C'est-à-dire pour que même ton travail entre dans une nouvelle saison. Ili kwamba kazi yako ingie kwa majira mapya. Pour que au plan professionnel tu entres dans une autre saison. Ili kwamba kikazi uone majira mapya. Et tu as besoin de présenter à Dieu ce que tu fais. Wahitaji kuonesha Mungu kazi unayofanya. Tu as besoin de présenter à Dieu ce que tu as commencé. Wahitaji kuonesha Mungu kazi umeanza. Et beaucoup de gens demandent à Dieu la nouvelle saison. Watu wengi wanaomba Mungu majira mapya. Mais ils croisent les bras. Lakini wanapachika mikono. Alléluia. Amen. Les disciples, lorsqu'ils faisaient face wanafunzi à la grande foule, walipokuwa nakutana na makundi makubwa, où tout le monde était affamé, watu wana njaa. Et Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Yesu akawaambia mna nini? Qu'est-ce que vous avez? Kitu gani mlicho nacho? Ils ont dit, nous avons 5 pains et 2 poissons. Wakasema tuna mikate 5 na samaki 2. Et il a dit, donnez-moi les 5 poissons. Akasema les 5 pains et 2 poissons. Munipe hiyo mikate na samaki. Et nous savons ce qui est arrivé. Na tunajua kitu gani kilifikia. Une saison d'abondance. Majira ya kusitawi. Tout le monde était dans la joie. Watu wote walikuwa ndani ya furaha. Tout le monde était vraiment étonné. Watu wote walishtuka. Mais ils ne savaient pas que dans le secret, il y a quelque chose qu'on est venu confier à Jésus. Une nouvelle saison commence. Majira mapya yanaanza. Lorsque toi-même et tout ce que tu es, tu as. Wakati wewe mwenyewe unajua kile ulicho nacho. Tu viens te confier à Dieu. Na unakuja mbele za Mungu. Tu dis, tel que je suis Seigneur. Unasema jinsi nilivyo Bwana. Fais de moi une nouvelle saison. Unipe tena majira mapya. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Una nini mikononi? Et qu'est-ce que tu fais de ce que tu as dans ta main? Na kitu gani unafanya na kile ulicho nacho? La troisième question que tu vas rencontrer sur ton chemin. Swali ya tatu utakuta kwenye njia. Et qui est comme un déclencheur aussi d'une saison nouvelle. Na ni kama vile funguo inayoripusha majira mapya. Nous trouvons cela dans Marc chapitre 10. Tunaipata katika Marko 10. Le verset 46. Versi yake 46. Il s'agit de cet homme qui criait. Ni mtu ambaye aliomba. Qui criait pour dire, Jésus, guéris-moi. Mtu aliyelalamika na kuomba Yesu niponye. Cet homme criait, il disait, fais-moi grâce, aie pitié de moi. Huyu mtu aliyemwambia Yesu nihurumie. Et quand il crie, aie pitié de moi. Anaposema Yesu nirehemu. Et Jésus regarde, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Yesu akamwona na kumuuliza, wahitaji nikutendee nini? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Lorsque nous regardons cette question de Jésus, nous savons que Jésus savait qu'il était aveugle. Jésus savait qu'il était dans la misère. Pourquoi Jésus ne pouvait pas directement par un miracle guérir la personne? Mais il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pourtant la personne criait, aie pitié de moi. Des saisons nouvelles majira mapya commence aussi inaanza lorsque nous venons devant le Seigneur. Wakati tunakuja mbele za Mungu, nous pouvons faire une demande claire devant Dieu. Na kumuonesha hitaji yetu. Alléluia. Wazi. Il y a des situations où Dieu veut que tu t'élèves. Kuna mambo ambayo Mungu anahitaji usimame. Vous dites, Seigneur, kusema Bwana, je veux ça. Nahitaji hii. Je suis ton fils. Niko mwana wako. Je suis ta fille. Niko binti wako. J'ai droit aux avantages de la famille de Dieu. Nina haki ya faida. Je veux ça spécialement. Nahitaji jambo fulani. Alléluia. Amen. Apprenons à aller vers Dieu avec des demandes claires. Tujifunze kutembelea Mungu tukiwa na hitaji zilizo waziwazi. Dieu veut que tu sois capable de voir ce que tu veux réellement. Mungu anahitaji uwe na uwezo ya kuona mahitaji yako. Alléluia. Amen. Vous savez, on était en train de parler avec un bien-aimé. Nilikuwa naongea na mpendwa mmoja. Il dit que moi je ne peux pas prier pour ma femme, moi je suis encore célibataire. Dieu il sait mon besoin, il me donnera une femme. Akasema mimi ni msimbi lakini siwezi nikaombea mke ambaye ndaombaka. Mungu anaona gisi mimi ni msimbi. Effectivement, il te donnera une femme, mais pas la femme que toi tu veux dans ton cœur. Akika atakupatia mke lakini hapana ule mke ambaye wewe unahitaji. Il te donnera un mari, mais pas le mari que tu as demandé à Dieu. Hapana mume ambaye umemuomba. Je dis au bien-aimé, niliambia huyo mtu, dis-moi là que tu vois là. Mimi ambaye unaona. Je priais pour ma femme. Niliombea mke wangu. Je n'ai pas honte, je ne regrette pas d'avoir prié pour ma femme. Sina haya ya kumuombea. Parce que la femme que je trouvais c'est celle que j'ai demandé à Dieu. Sababu mke ambaye nilipata ni yule ambaye nilikuwa nikiomba. Alléluia. Amen. Demande à Dieu. Omba Mungu. La saison, majira, la chose que tu veux, kitu ambacho et quand il te donne ce que tu veux, na napokupa kile unahitaji, ça te fait entrer dans une saison de ta vie. Inakuingiza katika hewa mpya ya maisha yako. Alléluia. Amen. Vous voyez cet homme qu'on appelle Jabez. Ona huyu mtu wanaita Yabeti. Il fait une prière bizarre. Il fait une prière qui est compliquée. Anafanya maombi ya ajabu. Ne me donne pas, ne me prive pas, tout comme ne me donne pas beaucoup. Usinipatie ki mingi na usiniime. Voyez cet homme qu'on appelle Lazare. Ona Lazaro. Quand vous lisez Lazare dans Luc chapitre 16. Ndani ya Luka 16. C'est vraiment un malheureux. Lazaro ni masikini. La Bible déclare. Biblia nasema. Qu'il mangeait les miettes à la table d'un patron, d'un riche. Alikuwa nakula masalio ya meza ya tajiri. Et même la Bible dit. Na Biblia nasema. Il y a des chiens qui venaient lécher ses plaies. Umbwa zilikuwa nakuja kulambula vidonda vyake. Donc vous pouvez imaginer que c'était vraiment un malheureux. Huyu mtu alikuwa ameteseka. Jusqu'à manger les miettes qui tombent sur la table de quelqu'un. Adi kukula makombo kombo ya meza ya tajiri. Mais maintenant remarquez, le jour où il meurt. Siku alikufa. La Bible déclare que le pauvre est allé au ciel. Biblia nasema maskini alikwenda mbingu. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il connaissait Dieu. Inamaanisha alimjua Mungu. Et il a vécu dans cette pauvreté, cette misère, connaissant Dieu. Na aliishi ndani ya umasikini akimjua Mungu. Est-ce qu'à un moment donné, Lazare ne pouvait pas comprendre qu'il appartient à un Dieu qui peut changer sa situation? Je kwa muda fulani Lazaro asingelielewa kwamba yeye ni mtoto wa Mungu ambaye anaweza kubadilisha majira. Est-ce qu'il n'avait pas compris que Dieu, est-ce que Dieu est glorifié quand moi, enfant de Dieu, je mange les miettes de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Yawezekana kuelewa kwamba Mungu hawezi kutukuzwa napokula makombokombo ya mtu asiyemjua Mungu. Pourtant à la fin, le pauvre, le mendiant, le misérable, il se retrouve au ciel. Ijapokuwa huyu mtu masikini anateseka amejikuta mbingu. Et le fameux patron qui était en train de jeter la nourriture et la faim de Dieu, il ramassait et lui va en enfer. Na utajiri yeye alikuwa nakula na shiba na kusema masikini atalogota. Bien aimé, certaines choses ne changeront pas dans notre vie. Kuna vitu havitabadilika maishani mwetu. Si nous ne sommes pas capables de le refuser. Kama tuvikatae. Et vous pouvez bien entrer au ciel non comme masikini tena wa kweli. Tu peux entrer au ciel étant extrêmement pauvre. Il y a des choses que tu peux refuser parce que ça peut être imposé par des circonstances non dictées par Dieu. Kuna vitu naweza kukataa sababu ni hali ya maisha njoo inatamani kukuingiza ndani. Si quelqu'un veut entrer au ciel comme Lazare, tout à coup shindikiza tu mais moi pardon. S'il y a quelqu'un qui veut entrer au ciel comme Lazare, on va t'accompagner, mais moi, je serai désolé. Il était aussi possible que Bartimée entre au ciel aveugle. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a compris que Jésus peut ouvrir mes yeux. Et il a fait la demande, ouvre mes yeux. Alléluia. Amen. Est-ce que ce soir quelqu'un comprend que Dieu peut changer sa situation? J'aimerais que tu prennes l'attitude de Bartimée pour dire Seigneur ouvre mes yeux et lorsque mes yeux vont s'ouvrir la situation de ma vie va changer. Je ne veux pas entrer au ciel aveugle parce que Jésus tu es capable d'ouvrir mes yeux. Je ne veux pas entrer au ciel comme Lazare parce que je sais que Dieu qui a donné la nourriture à ses riches il peut faire le transfert. Frères et sœurs, ça coûte quoi à Dieu en a changé tout système? Ce qui était chez le pauvre, chez le riche, il n'a qu'à quoi comme toto. Il faut demander à Dieu. Ailombi Mungu kitu kubadilisha mambo inabidi kumulomba. Notre Dieu, c'est aussi le Dieu de transfert. Mungu wetu ni Mungu anayepana. Quand il a changé la saison pour Israël, alipobadilisha majira ya Israel, il a dit aux Juifs, aliambia Wayahudi, ces mêmes personnes qui vous ont opprimé, wale watu waliowatesa, comme c'est votre saison, sababu ni majira yenu, ils vont vous donner l'or, watawapa ils vont vous donner la richesse avec laquelle vous partirez. Watawapa utajiri ambao mtaenda nao. Quand la saison véritable arrive, wakati majira inakuja, il y a le transfert qui arrive aussi. Kuna utajiri unapokea. Laisse que la puissance du transfert opère dans ta vie, parce que Dieu est capable de le faire. Ukutane nawe sababu que la Mungu puissance du kuyafanya. Transfert divin vient sur ta vie. Ushuke juu ya maisha yako. Bien aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Vous recevez en fonction de votre foi. Munapokea kutokana que na Dieu imani. Vous donne en fonction de votre foi. Bwana akupe kulingana na imani yako. Parce que chaque fois Jésus disait, kila mara Yesu alisema, qu'il te soit fait selon ta foi. Upewe kulingana na imani yako. Amen. Et que ce soir il te soit fait selon la foi que tu as en Dieu. Pokea kulingana na imani yako. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Hebu chapia Bwana makofi. Le roi des rois. Chapia Bwana Yesu makofi. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Que tu es merveilleux. Yesu komwema. Qu'il te soit fait selon ta foi, bien-aimé. Upewe kulingana na imani yako. Et une autre question que tu rencontreras sur le chemin de la swali vie. Swali ingine utakuta njiani. C'est une question que Dieu a posée à Jérémie. Ni swali Mungu amempa Yeremia. J'aimerais que nous allions dans Jérémie ensemble. Twende katika Yeremia pamoja. Jérémie chapitre 1. Yeremia moja. Oh Jésus, merci pour ton soutien. Asante Bwana kwa support lako. Jérémie chapitre 1er. Jérémie moja. Je parlais un peu de Jérémie hier aussi. Jana niliongelea Jérémie vile vile. Jérémie c'est cet homme qui porte un destin grand dans sa vie. Jérémie ni mtu aliye na hatima kubwa maishani mwake. C'est un prophète né. Ni nabii wa kizalikio. Comme parmi nous ce soir, kama vile miongoni mwetu jioni ya leo. Vous savez, les habits ne peuvent pas révéler qui vous êtes. Mavazi yezi kufunua kwamba wewe ni nani. Parfois même votre teinture, votre teint ne révèle pas qui vous êtes. Umbo la mwili yako haifunui wewe ni nani. Vous êtes plus que ce que nous voyons physiquement. Uko zaidi ya kile tuko tunaona leo. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous respecter encore mutuellement. Ndio maana tujifunze kuheshimiana hapa. Parce que dans, en toi est logée une provision dont j'aurai besoin demain. Sababu ndani mwako pana utajiri ambao ndahitaji kesho. Alléluia. Amen. Quelqu'un disait, si tu as l'occasion de donner du travail à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un dit, comme on a force à kumpa mtu kazi leo, donne-lui le peut-être travail. Que quand je serai vieux, je n'aurai plus l'énergie. Batoto yake benye bali profiter na kazi nimpatia aka bana kia saidia batoto yangu. Lorsque tu vas vieillir, ses enfants vont aider on tes enfants. On ne sait jamais. Mutu ajuake. Ça veut dire que nous avons des destinées qui sont interconnectées. Tuna hatima zinazoambatana. Ça c'est l'enseignement que nous avons reçu ici. Ini mafundisho tumepewa. Et dans la famille de Dieu, il y a pas de compétition. Ndani ya jamaa ya Mungu hakuna mashindano. Hakuna ya kuonesha huyo alipata. Non. Quand l'un a trouvé c'est sa saison, ça, quand ce sont les mangues, nous mangeons les mangues. Quand ce sont les oranges, nous bénéficions des oranges. Quelqu'un disait, quand ce sont les avocats, on mange aussi les avocats. Et c'est la beauté même du jardin. Parce que chacun a sa saison, profite à tout le monde. Kila mtu anapopata kwa muda wake, tunafaidia matunda ya muda wake. Alléluia. Amen. Ce qui fait que quand les avocats sont dans leur saison, abata jivuna sana. Parce que kesho tena ni maorange. Wakati ndimu zinakuja, tutafurahi, maana kesho itakuwa mapera. Alléluia. Mais quand nous savons que nos destinées sont interconnectées, tunapojua kwamba hatima zetu zinaungana, zinashikamana, interconnectées, nous soutenons mutuellement. Tutasaidiana. Et la famille de Dieu devient forte. Na kanisa litakuwa na nguvu. Alléluia. Amen. Et nous devenons un peuple respecté. Tutakuwa taifa lenye kuheshimika. Alléluia. Amen. Quand je suis fort spirituellement maintenant, kama kiroho niko nguvu, je peux prier pour celui qui est dans la faiblesse. Naweza kuombea aliye ndani ya udhaifu. Afin que Dieu le relève. Ili kwamba Mungu amuinue. Parce que peut-être moi je suis dans ma saison de force. Yawezekana niko ndani ya udhaifu. Mais je lui communique aussi la force pour que lui aussi se relève. Nguvu ili kwamba naye asimame. J'ai aujourd'hui à manger. Leo nina chakula. Mon frère n'en a pas. Kaka mais ce n'est pas dire qu'il mourra en n'ayant pas à manger. Il est possible que c'est demain lui qui va te prêter aussi un mouron. Mais quand les saisons s'équilibrent entre elles, et nous sommes une bonne famille, je prie que Dieu nous donne une bonne famille. Alléluia. Lorsque tu racontes ton frère à la grande barrière, il est dans sa saison, tu es fier. Lorsque tu vas à Kinshasa, tu racontes ton frère à la présidence dans sa saison. Tu es fier. Furai. Lorsque tu vas à la justice, tu racontes ton frère. Unapokwenda kwenye mahakama unakuta ndugu yako huko. Et tu es fier. Unafurai. Lorsque tu vas dans un atelier de couture, unapokwenda kwenye nyumba ya kushona mavazi, tu vas trouver un frère, une sœur dans sa saison. Utakuta ndugu aliye huko. Il fait bien son travail. Anafanya kazi yake vizuri. Il va pas déchirer tes habits, unakia regretter alishona yeye tena. Usichane hiyo mavazi na kuanza kusema sema. Et nous sommes un peuple qui est interconnecté bien. Na tunakuwa taifa ambao tunashikamana mkono. Jérémie, c'est cet homme appelé par Dieu. Yeremia ameitwa na Mungu. Qui porte un destin grand. Anakuwa na hatima kubwa. Voyons ce que Dieu lui pose comme question. Tutizame swali ambayo Mungu anamuuliza. À un moment donné, Dieu veut faire quelque chose avec Jérémie. Mungu alitamani kufanya kitu fulani na Yeremia. Et il dit à Jérémie. Na kamwambia Yeremia. Au verset 10e. Verset ya 10. Je vais chercher si je vois correctement. Jérémie chapitre 11. Yeremia 11. Nous voyons au verset 11e. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Neno la Mungu lilikuja. Que vois-tu, Jérémie? Unaona nini, Yeremia? Je répondis. Nikajibu. Je vois une branche d'amandier. Nimeona mti. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Bwana akasema umeona vizuri. Car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Maana nakesha juu ya neno langu ili kwamba nilitimize. Au verset 13e. Verset 13. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. Neno la Mungu likaja mara ya pili. En ce mot. Likisema. Que vois-tu? Waona nini? Je répondis. Nikajibu. Je vois une chaudière bouillante. Nimeona moto. Du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra. Et quand vous continuez le texte, vous voyez des instructions que maintenant Dieu est en train de donner clairement par rapport à une saison qui commence. La chose que je voudrais mentionner ici, c'est que le Seigneur veut que tu sois capable de voir là où il est en train de t'amener. Il y a des choses qui n'arriveront pas aussi dans votre vie parce que simplement vous n'avez pas été capable de voir cela. Dieu veut que Jérémie voie la taille de son appel. Et il va jusqu'à dire à Jérémie, comme tu as vu ce qui arrive, et que c'est toi que j'envoie vers ce peuple, je vais les bousculer. Je t'établis pour que tu leur parles. Et tu ne dois pas trembler. Parce que c'est toi que j'ai établi. J'aime quand Dieu répond à Jérémie, il dit, tu as bien vu. Ça, il comprend que tu es en train de t'intégrer dans le plan qu'il est en train d'accomplir. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans votre vie. Parce que vous n'avez pas compris le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des personnes, même si quand Dieu leur donne un peu de l'argent, il va être très déséquilibré. Vraiment déséquilibré. Et c'est comme ça qu'on voit les gens, il a acheté une petite voiture. La voiture occupe aussi un espace de Dieu le dimanche. Il dit que non, je ne suis pas venu au culte, je suis allé réparer mon véhicule. Voilà, quand tu n'avais pas l'argent, tu étais calme chez toi. Un peu d'argent vient. Dieu pense qu'il te stabilise. Il pense qu'il est en train de t'honorer pour que tu le serves avec dignité. Peut-être tu peux mieux t'habiller, tu peux mieux te déplacer. Tes enfants peuvent mieux étudier. Tu peux aussi donner la bonne offrande à l'église. Et voilà. Sasa. Tu commences maintenant, les yeux commencent à voir les autres femmes que tu ne voyais pas. Et tu veux que Dieu ajoute l'argent. Tu veux que Dieu augmente. Il ne peut pas. Parce qu'en fait, tu n'es pas préparé à ça. Tu n'as pas vu ce à quoi Dieu t'appelle. Il y a des saisons qui sont retardées par Dieu. Parce que vous ne voyez pas. C'est pourquoi demande à Dieu d'ouvrir tes yeux sur ce à quoi il t'appelle et de te donner un cœur disponible et calme. Parce que la saison apporte la gloire. Quand la saison arrive, elle te valorise. Quand la saison arrive, elle te met en dignité. Voyez quand le psalmiste dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté et qui donne son fruit à sa saison. Quand vous entrez dans votre saison, vous portez de fruits. Le fruit, c'est le symbole de production. Vous portez des résultats. Vous devenez visible. C'est comme on dit, on ne jette des pierres que sur les arbres qui ont des fruits. Ça veut dire que la saison, elle vous expose. Mais quand la saison vous expose, vous devenez une célébrité. Vous devenez un sujet de joie. Vous devenez un sujet de fierté. Vous devenez une solution pour nous. Si vous n'avez pas été préparé, si vous n'avez pas vu ce à quoi Dieu vous a appelé, vous allez convertir votre saison à un intérêt personnel. Et Dieu n'est pas un gaspillateur. Je veux que Dieu nous donne des yeux ouverts parce que nous avons besoin que tu entres dans ta saison. Quand tu vas entrer dans ta saison, tu deviens utile. Les fruits dont le psalmiste parle ici, ça fait référence à l'utilité. Inamaanisha utakuwa muhimu. Tu deviens utile. Utakuwa mtu wa tu muhimu. Tu deviens consommable. Watu wanaweza kukula kukupitia. Tu deviens une solution. Unakuwa jibu kwa shida. Et je perds bien mes mots, n'utilisez pas mes mots consommables à d'autres choses, à notre sous d'autres formes. Na usiseme unakuwa chakula na uanze kutumia hiyo neno kwa namna nyingine. Nous parlons de l'utilité que vous apporte la saison. Tunasema utakuwa mtu wa faida. Vous devenez une bénédiction. Unakuwa baraka. Et qu'il plaise à Dieu que chacun d'entre nous individuellement devienne une bénédiction Mungu pour notre génération. Mungu asaidie kila mmoja mali hapa awe baraka mali pote amewekwa. Alléluia. Amen. Quand les gens parleront de toi, watu watakapoongea juu yako, disent qu'il a été une bénédiction pour nous. Waseme huyu mtu alikuwa baraka kwetu. Quand les gens parleront de toi, watu watakapoongea juu yako, disent qu'il a été une solution pour nous. Waseme alikuwa jibu kwetu. Il a été avec nous. Alipokuwa nasi. Nous étions encouragés. Tulipewa nguvu. Alléluia. Amen. Ce soir, jioni ya leo, je crois à la visitation de Dieu. Naamini kutembelewa na Mungu. Je prie que Dieu nous aide. Naomba Mungu atusaidie. Le Dieu de toutes les saisons, Mungu wa majira yote, il va visiter son peuple. Atatembelea taifa lake. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Ambia Mungu afungue macho yako. Afin que tu voies. Ili kwamba uone. Demande à Dieu. Ambia Mungu. Ce que tu veux réellement qu'il fasse pour toi. Kile ambacho unahitaji afanye juu yako. Demande à Dieu. Ambia Mungu. De te relocaliser. Akuweke kwa uwanja. Si tu as été loin de Dieu. Kama ulikuwa mbali naye. Et tu vivais loin de Dieu. Uliishi mbali na Mungu. Ce soir tout ce que je dis. Mangaribi ya leo yale nasema. Peut être de simples mots pour toi. Inaweza kuwa tu maneno bure. Avant que nous puissions prier tous ensemble. Kabla tuombe pamoja. Je voudrais faire un appel bien-aimé. Nitafanya mwito. Nous allons incliner notre tête dans la prière. Tukunje vichwa vyetu katika maombi. Nous sommes dans notre phase essentiel de la vie. Tuko kwa kipindi mzuri wa maisha. Le Seigneur m'a dit clairement. Bwana ameniambia wazi wazi. Il y a des choses que je veux faire. Kuna vitu nitafanya. Mais j'ai besoin que des cœurs soient disposés pour moi. Nahitaji mioyo iwe tayari juu yangu. Si tu es dans la salle. Kama uko ndani ya chumba hiki. Tu es souvent à l'église. Uko kanisani. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Haujapatia Yesu kweli kweli maisha yako. Je te demande de te tenir debout. Nitaomba usimame. Je vais prier avec toi. Nitaomba pamoja nao. Nous ne faisons pas du spectacle ici. Atuko tunafanya filamu. J'ai seulement besoin que tu donnes ta vie à Jésus. Nahitaji upatie Yesu maisha yako. La véritable rencontre avec le Seigneur. Kukutana na Mungu. C'est elle qui change la vie. Kunabadilisha maisha. S'il y a quelqu'un dans la salle qui veut donner sa vie au Seigneur. Kama pana mtu anatamani kupatia Yesu maisha yake. Levez-vous simplement là où vous êtes. Mali ulipo tasimama. Le deuxième appel que je vais lancer, mwito wa pili na pana. C'est clairement dans ta vie, maisha ni mwako. Tu sens que tu ne vis pas correctement avec Dieu. Unasikia kwamba auishi vizuri na Mungu. Tu es un jeune, uko kijana, fille comme garçon, msichana ama mvulana. Tu reconnais que ta vie n'est pas correcte avec Dieu. Aujipange sawa sawa na Mungu. Malgré l'apparence, haijalishi kuonekana nje, malgré la présence à l'église, haijalishi kuja ndani ya kanisa, mais tu reconnais que ta vie n'est pas correcte avec lakini Dieu. Lakini unakuta maisha yako ina uchafu. Je prie que tu te lèves devant le Seigneur. Utasimama vile vile mbele za Bwana. Je vais prier avec toi. Nitaomba nawe. Pour que Dieu te soutienne. Ili kwamba Mungu akusaidie. La saison commence par la reconnaissance de ta faiblesse. Majira inaanza wakati unatambua madhaifu yako. Merci pour celui qui se lève. Asante kwa wale wanaosimama. Merci que Dieu vous soutienne. Bwana watie nguvu. Parce que c'est Dieu qui peut vous soutenir. Mwana ni Mungu mwenyewe anaweza kuwashika mkono. Et non pas un homme. Hapana mwanadamu. Merci même dans le hangar ceux qui se lèvent. Asante kwa kibanda wanaosimama. Que Dieu vous bénisse. Bwana endelee kuwabariki. Et que Dieu vous soutienne. Bwana washike mkono. Ne résistez pas à l'appel de Dieu si vous. Hapana pingana na sauti ya Mungu. Si vous sentez dans votre cœur. Kama unasikia moyoni mwako. Que vous avez besoin de réparer avec Dieu. Wahitaji kutengeneza na Mungu. Réparer avec le Seigneur. Tengeneza. Père, dans le nom de Jésus. Baba katika jina la Yesu. Ce soir, mangaribi ya leo, je viens te recommander le bien-aimé. Nakuja kukuonesha ndugu zetu. Qui se tiennent debout devant toi. Ambao wanasimama mbele zako. Seigneur, pour recommander leur vie à Dieu. Wana wanakuja ili kwamba waache maisha yao mbele zako. Je prie que tu le sanctifies. Naomba watakase. Que tu le purifies. Waoshe. Afin que leur vie entre dans une saison de gloire, une saison nouvelle. Fais le suivi de ta parole dans le cœur de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et prier le Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable.